Comme envoûtée par les mots de mon nommé Limello, elles paraissent dans mon dos et caressent mes larmes. Elle sourit à tous les sanglots de mon nommé Limello. Elle sourit à tous les sanglots de mon nommé Limello. Mais Amélie aime la mélodie des mots à moi. Mon nommé Limello, malade de mes mots. Oui, quand la mélancolie me met là, collée au lit, mon Amélie, sa langue sans sa langue me charme. Sa langue me charme, caresse mes larmes. Le ciel pour le sel sur ma peau, dans mon nommé Limello. Le ciel pour le sel sur ma peau, dans mon nommé Limello. Mais Amélie aime la mélodie des mots à moi. Mon Amélie Mello, malade de mes mots. Tous ces rires, toutes mes envies, tous ces désirs, tous nos délits, que l'on s'en mêle dans mon lit. Et mon Amélie se pâme, sa langue me charme, caresse mes larmes. Elle tremble sous les trémolos de mon Amélie Mello. Elle tremble sous les trémolos de mon Amélie Mello. Mais Amélie aime la mélodie des mots à moi. Mon Amélie Mello, malade de mes mots. Aujourd'hui, demain ou jeudi, je ne sais quand nous rejouerons la nuit. Mais elle déjà, je l'avoue, jouit de la jalousie de ces dames. Aujourd'hui, demain ou jeudi, je ne sais quand nous rejouerons la nuit. Mais elle déjà, je l'avoue, jouit de la jalousie de ces dames. Jalouse de ces dames, Amélie se pâme. Sa langue me charme, caresse mes larmes. Elle est la muse de tous les mots de mon Amélie Mello. Elle est la muse de tous les mots de mon Amélie Mello. Mais Amélie aime la mélodie des mots à moi. Mon Amélie Mello, malade de mes mots. Mais Amélie aime la mélodie des mots à moi. Mon Amélie Mello, malade de mes mots.